échec t'es mort. Échec t'es mat. J'ai mal, échec t'es fort. Garde si pilon, mille chèques t'es masse. On n'aime pas les chutes qui rôdent. On préfère les chiens qui râlent. Devant y'a les chiens qui rognent. On n'aime pas les chats qui râlent. Un pétard de fou. Une ambiance de feu. Un chat, je recommence des fois. Fuck, je rebalance des feuilles. J'suis en plein dans la misère. J'me rapproche du Mazera. J'tue mon ami, c'est miséreux. Fuite, si la lune est pas zéra. Vroom, vroom, le RM7. Trop loin d'être branché TMC. Psst, la brûlot serait zen. Prends le comportement TMC. J'viens pour la quichta. Contrôle un doigt pour la quiste. Testa, constant, tu piges pas. Testa, automobile pisté. Bientôt plus le temps pour les ma copine attend. J'm'en vends comme Pilatus. On va taffer la pinasse à Pilatan. Vu que j'suis devant une cifraine ni Pilatonf. Eh t'as vu la gif. Et si j'en viens devant quelque chose ma chérie, t'as pas vu la top. Pas de fellature, ni gros j'fais la teuf. Et on me répète la bouteille finit la pure.